vue d'esprit, Pierre-Yves Moret. Peut-on faire une lecture historico-critique du Coran ? Est-il possible de raconter l'histoire de ce texte, de son apparition et de son évolution jusqu'à aujourd'hui ? Ce sont les questions que nous abordons toute cette semaine avec un éminent spécialiste de l'histoire de la rédaction du Coran, François Desroches. Et cette série est proposée par Jacques Mourican et réalisée par Yves Roulin. Jacques Mourican, bonjour. Bonjour. Toute cette semaine, nous posons en résumé cette question. Par quel chemin le texte coranique est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui ? Et ce, grâce à votre invité François Desroches, professeur au Collège de France et donc spécialiste du Coran, et qui lui travaille sur différentes bases textuelles qu'il a pu collecter, ou qu'il collecte encore, ça et là, des traces des premiers écrits du Coran. Au fond, c'est ça sa matière de base. Tout à fait. Mais en fait, il faut là, sur ce point, rendre justice à des prédécesseurs, car si on doit créditer François Desroches, en effet, de sa capacité à interpréter ces textes, à les lire, à avoir les changements d'une version à une autre, il faut bien dire, et du reste ce sera l'objet de nos émissions de demain et d'après-demain, que la collecte elle-même est un phénomène qui a commencé il y a assez longtemps. Hein. On peut dire, je crois qu'il y avait déjà même au XVIIe siècle, il y a eu des premiers achats de manuscrits, puis surtout c'est le XIXe siècle, où alors là, il y a eu ce qu'on pourrait appeler la chasse au Coran, si vous voulez, et ce sur quoi travaille François Desroches, eh bien, mon Dieu, c'est sur le résultat de cette collecte. Résultat qui, il faut bien dire, pendant longtemps a été oublié, tout simplement. Ces manuscrits roupillaient dans un certain nombre de fonds d'archives et tout son mérite, c'est d'avoir été les voir. Évidemment, une partie des traces historiques ont été perdues également. Donc, ils ont une valeur particulière, ces manuscrits-là. Oui. Bien, ils ont une valeur absolument considérable, ça c'est sûr. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'au fond, il existe une tradition coranique de textes, alors périphériques, si vous voulez, par rapport au Coran, mais qui est claire sur les conditions dans lesquelles ce Coran a été rédigé. Et ça, c'est, je dirais, c'est la deuxième base, si vous voulez, la deuxième base de travail. Il faut signaler, du reste, que s'agissant du Coran lui-même, il est tout à fait intéressant lorsqu'on écoute sur le site internet du Collège de France les interventions de François Desroches, on se rend compte par exemple combien des questions auxquelles nous ne pensons pas, comme la graphie par exemple, comme la manière d'écrire, il faut bien se dire que l'arabe est tout récent au moment où il y a cette mise par écrit. Par conséquent, ce sont chaque fois des pistes complémentaires, c'est une sorte de détective, François Desroches est un détective à la recherche de la compréhension des circonstances de la mise par écrit du Coran. Et on va retrouver ce détective à votre micro, Jacques Mourican. J'aimerais, François Desroches, pour venir au cœur de votre sujet, qui est donc la mise par écrit du Coran, commencer par une anecdote que je vous dois entièrement, puisque je l'ai lue sous votre plume, dans laquelle vous expliquez qu'au fond, l'éventualité, la nécessité d'une mise par écrit du Coran résulte, si j'ai bien compris, d'une défaite, d'une bataille où beaucoup de ceux qui pouvaient connaître le contenu des révélations étaient morts, tout simplement. Alors, c'est effectivement le récit de la tradition musulmane. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au lendemain de la mort de Mohammed, l'Arabie se soulève, puisque celui à qui on avait prêté serment n'est plus là, donc il n'y a plus de raison de continuer avec ceux qui étaient avec lui. Je précise que la mort de Mahomet, c'est 632. 632, voilà. Et donc, c'est un moment de grande crise, et la jeune communauté, sous la direction du premier calife, Abou Bakr, réussit à rétablir la situation au prix de toute une série d'opérations militaires. Et l'une des opérations contre un faux prophète, Moussaïlima, dont la défaite est consommée lors de la bataille de la Yamama. Et nous dit-on, au cours de cette bataille, beaucoup de ceux qui savaient le Coran par cœur disparaissent. Et donc, à l'armée, Omar, qui sera le successeur d'Abou Bakr, vient trouver ce dernier et lui dit « Il faut absolument faire quelque chose, sinon le Coran va disparaître ». Et c'est comme ça donc qu'on décide de mettre par écrit le Coran. Il semble que dans la réalité, le nombre de personnes qui connaissaient le Coran par cœur et qui a trouvé la mort au cours de cette bataille était beaucoup moindre que ce que ça semble être quand on lit le récit. C'est sans doute plutôt une anecdote destinée à expliquer pourquoi les choses se sont faites, alors que le Coran n'était jusqu'à présent pas mis par écrit. Et encore sur ce point, faut-il être prudent, puisque les indices sont très contradictoires. On a des récits qui nous laissent penser qu'en fait le Coran était mis par écrit du vivant de Mohammed. Alors c'est vrai que, et ça c'est un point qui est je crois important, c'est vrai que la mise par écrit du Coran supposait la fin des révélations. Parce que si on regarde le Coran, si on regarde l'histoire des révélations, on se rend compte qu'elles ne sont pas linéaires. Ça n'est pas un récit, le Coran. C'est une série d'annonces. Et il semble, là encore, si on suit les récits de la révélation, que Mohammed a donné parfois des instructions pour dire « cette révélation, il faut la mettre avec tel autre verset, mais en revanche, ce verset-là, il va aller ailleurs ». Donc c'est la gestion de choses qui venaient dans un désordre aussi complet n'était pas compatible avec la forme du livre, donc il fallait bien que on ait la certitude qu'on pouvait vraiment faire un livre, c'est-à-dire il fallait vraiment que celui qui parlait, Mohammed, soit mort pour commencer cette aventure. Au passage, simplement une remise en contexte pour un petit instant. Ça veut donc dire quand même très fondamentalement que nous sommes dans une civilisation de la récitation. Le temps de l'écriture, c'est un temps d'eux. J'imagine que ça, dans l'écriture même du Coran, ça se ressent. Bien sûr, là pour le coup, nous ne sommes pas face à un auteur installé devant son écritoire, son bureau, etc. C'est réellement quelqu'un qui dit quelque chose. Et dans les sourates, on a parfois l'impression qu'il y a presque des jeux de scène, ou des jeux de voix, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues, et on peut fort bien imaginer que Mohammed, en récitant ces textes, faisait des gestes pour permettre à son auditoire de suivre le récit, suivre les événements qui étaient racontés. Et le passage par écrit est effectivement le temps d'eux. Donc ça, c'est toujours dans les civilisations de l'oralité un moment difficile, puisque il va falloir trouver des solutions pour prendre dans toute sa subtilité ce qui a été dit. L'arabe, à l'époque où nous nous plaçons, au début du 7e siècle, n'a pas de tradition littéraire. Une petite tradition littéraire de poèmes dont on ne sait pas trop jusqu'à quel point ils étaient mis par écrit. Il semble qu'il y avait quand même une mise par écrit, mais bon, ça ne représentait pas un corpus littéraire énorme. Et ce qui était le plus commun, les petites inscriptions qu'on pouvait graver sur le bord de la piste pour marquer son nom, c'était des choses très limitées. Et brutalement, on a à gérer un texte qui est un texte d'autant plus important que c'est la parole de Dieu, dont il s'agit de respecter toutes les nuances. Et donc, au lieu d'avoir simplement des phrases sujet-verbe-complément, brusquement, on a des phrases extrêmement complexes, avec des formes verbales très particulières, etc., etc., qui demandent un effort considérable pour des gens qui, jusqu'à présent, n'avaient pas eu tellement à s'occuper de ce genre de choses. La mise par écrit est un véritable défi, et l'outil dont disposent les musulmans à cette époque est un outil très imparfait. L'arabe est un alphabet récent, puisque les inscriptions les plus anciennes datent d'un peu plus d'une centaine d'années avant. On a trouvé, il n'y a pas très longtemps, dans la région de Najran, des inscriptions à caractère chrétien dans un alphabet arabe très primitif, mais qui annonce bien ce qui va venir, avec des dates qui sont bien celles que je viens de dire. Et donc, cet alphabet est un alphabet bien imparfait, parce que il lui manque toutes sortes d'outils pour noter la langue de manière parfaite. Par exemple, chacun sait que l'arabe utilise des points pour distinguer des lettres qui ont la même forme. Ces points, à cette époque, sont très peu utilisés. Les voyelles ne sont pas notées du tout, et toute une série d'articulations qui vont par la suite être notées avec beaucoup de précision sont parfaitement absentes. Donc il y a une écriture qui est finalement ambiguë, et les premiers Corans sont sans doute plus du domaine de l'aide-mémoire, de une sorte de partition pas tout à fait complète, mais qui donne les grandes lignes pour réciter, plutôt que quelque chose que un lecteur installé dans une mosquée ou chez lui pourrait lire sans savoir de quoi il s'agit. Il faut vraiment avoir déjà une idée de ce qu'est le texte. Je me souviens, par parenthèse, d'avoir fait l'expérience avec des manuscrits de cette époque, avec des étudiants musulmans qui connaissaient le texte du Coran, et c'était frappant que, dans un premier temps, ils étaient déconcertés par la page qui était sous leurs yeux, jusqu'au moment où ils trouvaient un point d'entrée et brusquement reconnaissaient le texte qu'ils savaient de mémoire et donc lisaient la suite absolument sans problème. Mais de toute évidence, entrer directement dans cette notation imparfaite n'est pas tout à fait simple. Instrument de travail avec la langue, vous venez d'en parler, mais alors aussi, si j'ai bien compris, il y avait en quelque sorte ce que nous appellerions des notes. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait eu un certain nombre de personnages présents au moment des révélations ou peu après, et au fond, qu'on y traîne dans le Proche-Orient encore, est-ce que j'ose dire, des carnets de notes ? Alors malheureusement, les fameuses omoplates et ce genre de matériel a disparu. Si on en trouve, si vous allez dans certains musées, vous verrez une omoplate de chameau avec des versets coraniques, mais je pense que dans tous les cas, il s'agit plus de soit de souvenirs pieux, soit de façon de renouer avec la vieille tradition. De toute façon, ce qui est très très frappant, c'est que au moment de mettre par écrit, on n'a pas essayé de faire un livre qui aurait été une sorte de guirlande d'omoplates de chameaux. On est passé directement au livre qui est le livre civilisé de l'époque, le codex, celui qu'utilisent les civilisations plus anciennes, le christianisme, le judaïsme, etc. Il y avait, ça c'est pratiquement sûr, des notations partielles qui utilisaient des matériaux de fortune, et cette pratique de prendre des notes a dû se développer au cours de l'apostolat de Mohammed. Il semble, d'après les témoignages de la tradition, il semble que pour la période ancienne, on a dû perdre des textes, c'est-à-dire que la mémoire a pu être défaillante, puisqu'il y a plusieurs indications qui reviennent sur le fait que Dieu fait oublier les textes. Donc il annonce de nouveaux textes, mais il en efface de la mémoire des gens, mais parfois aussi, si on en croit certains récits, de feuillets de parchemin. Ça, c'est une autre option. Mais en tous les cas, il y a eu un développement de l'écrit au cours de l'apostolat, signe d'ailleurs que, justement, c'est une religion qui commençait à avoir une assise réelle, puisqu'elle prenait soin d'enregistrer le message qui venait, et nous avons des gens dont on nous dit qu'ils étaient affectés à la notation des révélations. Donc on a vraiment un appareil qui est là pour recevoir le texte coranique et le noter au fur et à mesure. Mais il reste que, si on vous suit, François Desroches, la question centrale est ce que nous appellerions aujourd'hui le travail d'édition, en quelque sorte. Et il faut peut-être rappeler que le Coran a une structure qui est assez surprenante, puisque, sauf erreur de ma part, les sourates vont par ordre décroissant, il y en a 114. Donc, vous le disiez tout à l'heure, ça n'est absolument pas l'ordre d'un récit. Est-ce qu'on a, par exemple, la moindre idée de ce qui a fait prendre cet ordre tout à fait surprenant de déroulement du récit? Alors, on n'a pas vraiment d'indication sur l'origine. C'est un modèle qui existe dans l'Antiquité, de classer les choses par ordre de taille décroissante. On a des parallèles, mais plus que, disons, l'arrangement, qui d'ailleurs est problématique, parce qu'on ne sait pas très bien, finalement, qui a pris la décision. C'est un point qui est discuté, et les exégètes musulmans sont très partagés sur ce point, du moins à l'époque ancienne. Ce qui me semble le plus important, c'est surtout qu'on a, me semble-t-il, des traces d'un travail éditorial à l'intérieur des sourates. Je m'explique. Le style coranique, il se reconnaît surtout par la présence de rimes. C'est-à-dire que le texte va, et les versets qui constituent la sourate se terminent par une syllabe qui rime avec celles qui sont avant et qui viennent après. Parfois il y a des changements de rime, bien sûr, mais enfin, disons que le principe est celui que je viens de dire. Et dans les années 30, un islamologue anglais, Richard Bell, avait observé des passages où il discernait donc la présence d'un premier texte avec une première série de rimes, et puis ajouter à chacun de ces versets avec une rime des petits ajouts qui donnaient une autre rime qui permettait d'intégrer ce passage dans une sourate donnée. Et dans certains manuscrits, on constate un peu la même chose. On a des petits versets qui n'ont pas été retenus par la tradition ultérieure, dont le sens est minime, Dieu est le plus grand, Dieu fait ce qu'il veut. Mais si on y regarde de plus près, ce qu'ils apportent, c'est une rime à un verset qui n'en a pas. Donc on a bien le sentiment qu'il y a eu, entre la révélation et la mise par écrit, un travail éditorial, pour employer un mot moderne, mais c'était tout à fait ça, un travail éditorial qui permettait de donner au texte coranique sa physionomie particulière et son unité autour justement de ces rimes qui sont une caractéristique dominante du Coran. J'aimerais que vous nous dérouliez, au fond, ce que l'on peut savoir, et qui, je crois, est parfois l'objet de discussion, sur, en quelque sorte, la version officielle des circonstances qui vont amener à l'élaboration du document, tel qu'en tout cas, dans ces siècles éloignés, il circule. Il y a un récit officiel, c'est celui donc de la mise par écrit à l'époque de Osman, le troisième calife. Alors, c'est vrai que pour le lecteur occidental, tout cela est un petit peu confus dans la mesure où il y a énormément de gens qui finalement mettent le Coran par écrit. On a parlé tout à l'heure d'Abou Bakr, puis Osman, donc pourquoi refaire ce travail? Alors, il semble que il y a deux choses. Il y a d'une part des considérations d'ordre politique qui ont pu peser et introduire des récits destinés à donner à d'autres le mérite d'avoir mis par écrit, puisque c'est quand même une opération assez considérable. Et puis, et ça c'est une réalité dont on a pris encore plus conscience depuis la découverte du palimpseste de Sanaa, on a des recensions concurrentes. On a des gens qui ont décidé, au lendemain de la mort de Muhammad, de mettre par écrit le texte du Coran tel qu'il le connaissait. Alors, on n'a pas, bien sûr, ces textes. Et on a des informations par la tradition musulmane, mais ces informations se limitent à une série de versets ou de morceaux de versets où on nous dit « Allah, tel ou tel récitait de cette manière et pas de tel, pas comme le Coran de Osman ». Et je suppose que cette information a été, disons, un petit peu simplifié pour donner une idée, mais pas forcément pour faire une édition critique des deux versions. Ce qui a donné beaucoup plus de substance à ces histoires, c'est la découverte donc de ce palimpseste à Sanaa, où brusquement on voit effectivement un manuscrit avec un texte qui est réellement différent du Coran tel que nous le connaissons. Alors, pardon, je vous interromps, la découverte du palimpseste de Sanaa, je crois, est extrêmement récente, 1970 ou 1973. Et d'autre part, on va rappeler qu'un palimpseste, c'est un écrit qui est sur un écrit, qui se trouve sur un écrit. Voilà, c'est ça. Donc le palimpseste, dans ce cas particulier, c'est donc la couche inférieure, c'est-à-dire la première chose qui a été écrite sur le parchemin avant d'être grattée, qui a un texte donc qui diverge du texte de la Vulgate, comme on dit, de Osman. Alors, bon, il ne s'agit pas d'imaginer qu'il y a des choses absolument renversantes, hein, mais c'est un autre Coran dont on a malheureusement seulement une partie, mais c'est suffisant pour se rendre compte qu'il y a des changements, l'ordre des sourates est différent, il y a des mots qui sont remplacés par d'autres, il y a parfois un ajout qui n'est pas dans la version officielle, ou inversement, des choses qui sont dans la version officielle et qui n'y sont pas. Donc il y a réellement un témoignage sur le fait que des versions concurrentes ont dû circuler, et c'est vraisemblablement pour cela que le texte a été gratté à un moment pour copier dessus un autre Coran, mais cette fois-ci avec le texte que nous connaissons. Alors, ces versions concurrentes n'ont pas disparu très rapidement, puisqu'on sait que jusqu'au Xe siècle, elles étaient en circulation, mais bien sûr, la version haussmannienne, donc, bénéficiait de l'appui du pouvoir. Et ça, c'est très net dans toute cette histoire, c'est qu'il y a eu une version qui a été soutenue par le pouvoir politique. Osman était calife, il a œuvré pour favoriser la version qu'il avait faite mettre par écrit sous son règne, et par la suite, à plusieurs reprises, on note des interventions de califes, je pense par exemple à Abd al-Malik, un calife omeyyade, et puis donc à la fin du IXe siècle, on a un savant musulman, spécialiste de lecture coranique, Ibn Mujahid, qui, avec l'appui du pouvoir abbasside et notamment du vizir Ibn Mukla, traîne devant un tribunal un de ses rivaux, Ibn Shanabud, qui est accusé de réciter le Coran d'Ibn Masoud, c'est-à-dire une de ses versions concurrentes, lors de la prière, et donc il le fait condamner à être fouetté et à se rétracter publiquement de cette position. Mais alors, pensons en particulier au schisme qui va très vite arriver, précisément avec les chiites, mauvais jeu de mots. Je voudrais savoir si on peut dire que le Coran d'aujourd'hui, dont vous êtes en train de nous donner l'idée de l'élaboration, est le Coran qui a gagné. Autrement dit, si, comme on le comprend en vous écoutant jusqu'à présent, les modifications que l'on voit ici ou là sont ce que nous appellerions des amodiations, ou bien si vous pensez qu'il peut y avoir eu un texte qui disait des choses très différentes. Bon, il y a deux choses à distinguer. Alors, la version d'Ibn Masoud, j'en ai parlé. Ibn Masoud, c'est un compagnon de Mohammed, un vieux compagnon de Mohammed, qui est un des premiers fidèles, et qui sera un partisan de Ali. Donc, il est en fait chiite. Et sa version, et c'est sans doute pas un hasard, sera, disons, l'objet de beaucoup d'opposition de la part du pouvoir. Et quand Ibn Shanabud est condamné, c'est bon, entre autres justement parce qu'il utilise cette version qui est à coloration chiite. Et alors ça, c'est quelque chose, disons, de très réel, dont on mesure assez bien les contours. Et puis alors, dans les milieux chiites, il y a, une littérature qui soutient l'idée que le Coran a été trafiqué. À partir de assez tôt, du 8e, 9e siècle, on a donc, on voit se développer une position dont l'un des derniers représentants, parce que je ne sais pas si maintenant elle est très à la mode, mais a été l'ayatollah Khomeini, qui, à un moment du moins de son existence, était bien sûr que le Coran de Osman était le résultat d'une manipulation qui avait visé à éliminer tout ce qui allait en faveur de Ali et de sa famille, et inversement, qui avait éliminé tout ce qui était hostile aux Omeyyades. Rappelons que Osman appartient à la famille Omeyyade, donc c'était un doute qu'on pouvait facilement lui adresser. Alors, suspicion chiite de manipulation du Coran, elle a eu la vie dure, mais d'un autre côté, les chiites se sont finalement relativement bien accommodés du Coran de Osman. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus tranquilles avec le Coran de Osman que dans certains milieux sunnites, où les questions de lecture ont agité énormément les uns et les autres pour savoir ce qui était canonique et ce qui ne l'était pas. Les chiites prennent le Coran de Osman et l'utilisent pour leur... Après ça, effectivement, leur forme d'exégèse est d'une autre nature et fait intervenir des considérations ou des dits qui... eux sont directement liés aux imams, c'est-à-dire Ali et ses successeurs. C'était François Desroches à votre micro, Jacques Mourican. Je rappelle qu'il est professeur au Collège de France et spécialiste du Coran et de l'histoire de l'établissement du texte coranique. Alors c'est intéressant là d'avoir abordé cette différence très résumée entre l'approche des sunnites et des chiites par rapport au texte. Donc on comprend qu'il y a une forme de canon, pour reprendre ce terme, qui s'est établi au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui et dont il n'a plus été possible de discuter. Et au fond, c'est ça qui est devenu sensible autour de ce texte aujourd'hui. C'est cette notion du Coran révélé et intouchable dans sa lettre même. Oui, tout à fait. Il faut dire aussi que il faut songer combien les circonstances ont changé. On a bien compris en écoutant François Desroches que lorsque se fige ce texte, en quelque sorte, il y a clairement une volonté politique, c'est tout à fait clair, et qui est une volonté de ne pas voir ce qui est le monde musulman en train de se constituer, car au moment où ça a lieu, il faut quand même dire qu'il n'est pas constitué encore, hein, ce monde musulman. Eh bien, de ne pas le voir partir dans tous les sens. Je me permets de dire que si on lit la Bible, deuxième livre des rois, verset 22, c'est la fameuse histoire où on voit le roi Josias qui est à la tête d'un pauvre petit royaume en ruine, découvrir opportunément un manuscrit qui incite à la centralisation de tout le pouvoir religieux sur Jérusalem. Vous me direz que là, je fais des rapprochements un tout petit peu audacieux. Mais enfin, pas plus audacieux que ça, tout bien considéré. Si vous voulez. On voit bien que c'est un tout petit peu le même contexte. Il y a besoin de fédérer des groupes humains très variés. Et notamment, pour les fédérer, il faut qu'il y ait un texte autour duquel on soit à peu près d'accord. Et enfin, c'est un tout petit peu amusant de faire le rapprochement entre ces deux situations qui prouvent que ça n'était pas unique. D'ailleurs, vous allez continuer à en parler demain avec François Desroches de cette question de l'établissement du canon et de l'autorité, au fond, qu'on peut déceler derrière les décisions de l'établissement du Coran par rapport aux sources multiples sur lesquelles François Desroches travaille dans les traces qu'il arrive à en trouver. Oui, tout à fait. Alors, ce sera demain. Merci Jacques Mourican, à 16h30 toujours. Merci aussi à Yves Roulin pour la réalisation de cette série d'émissions. Et puis, je rappelle que sur notre page internet rts.ch/esprit, vous pouvez réécouter cette série d'émissions, consulter aussi le site internet du Collège de France par lequel vous pouvez voir les conférences vidéo de François Desroches, rts.ch/esprit. À demain. À demain. La vue d'esprit, c'est tout pour aujourd'hui. Nous poursuivons demain cette série proposée cette semaine par Jacques Mourican. Et puis, notre page internet rts.ch/esprit vous permet de réentendre ces émissions. Vous pouvez également réagir et aussi en nous laissant un message au 058 236 60 70. 058 236 60 70. Tout de suite, c'est Daniel Rebella, Dernier Entendu. Il est 17h sur Espace 2.